Chapitre 66. Une autre dimension. Deux semaines se sont passées, le classement n'a presque pas bougé, mais les écarts se sont resserrés. Le duo de leaders est toujours pareil, même si les deux dernières journées ont causé pas mal de dégâts. Le Bayern Commodore s'est incliné contre le King Club Uralkali, devant son public, et le KAM City. L'Exur Bianconeri a perdu contre l'Ernik Spurs et le King Club Uralkali. Le club monégasque a fait trembler les gros. Ces séismes ont profité au KAM City, qui a aligné un deuxième succès, après la victoire contre le Bayern, face à l'United Clubu. Ils reviennent à un point du fauteuil de leader. Mais ils ne sont pas seuls. Les YNWA Reds ont battu la Finosa Valencia 2-0, avec un but de Totov 76, et l'United Clubu 5-3, avec un doublé de Faitson et un but de Totov 76. Le reste du classement est composé de l'Ernik Spurs et le King Club Uralkali avec 5 points. La Finosa Valencia est à 4 succès, alors que l'United Clubu attend toujours sa première victoire. La prochaine journée pourrait être décisive. À Lisbonne, l'Exur Bianconeri joue contre le KM City, alors qu'à Londres, les YNWA Reds défieront le Bayern Commodore. Les prétendants vont aller tester les leaders. Il va y avoir du sport. De l'autre côté, la Finosa Valencia va affronter United Clubu à Amsterdam et l'Ernik Spurs va jouer contre le King Club Uralkali à Mitrovic, Kosovo. Pour le match au sommet entre le Bayern Commodore et les YNWA Reds, les Liverpooliens ont sorti l'artillerie lourde. En effet, Totov 76 et Faitson sont devenus des pièces maîtresses du système rouge, le premier dans les cages, le second aux avant-postes. Et lorsque les Reds sont en difficulté, le portier troque ses gants pour devenir attaquant. Les deux Français jouissent d'une popularité énorme et sont devenus les nouveaux éléments clés de cette franchise. C'était inespéré pour eux avant le début de la tournée européenne. Ce soir, à Londres, c'est une autre dimension qu'ils pourraient prendre. Ils auront, en face d'eux, ce qui se fait de mieux en Japan Masters League. Mais les Reds ont un statut de club invaincu en Europe. Ils sont les seuls à pouvoir se vanter de ça. Et à Wembley, ils vont devoir se défaire de véritables galactiques. Le Bayern Commodore est l'une des plus grandes franchises de la planète et remporte régulièrement le titre japonais. Ils sont même devenus champions asiatiques à 4 reprises. Mais les Reds n'ont pas le choix. S'ils veulent prendre la tête de la Japan Masters League, ils doivent battre le Bayern Commodore. Ils reviendraient ainsi à leur hauteur, une semaine avant l'autre sommet entre les YNWA et l'Exur Bianconeri. Double victoire obligée. La rencontre face à la franchise d'origine germanique est très difficile, car les Reds sont rapidement menés 3-0. On ne joue que depuis 15 minutes. Totov 76 ne semble pas dans un grand jour défensif, du coup il change de poste et devient meneur de jeu. Les décideurs liverpooliens comptent sur l'entente française pour remonter la pente. Juste avant la mi-temps, Faitson réduit l'écart et permet aux YNWA Reds de n'être plus menés que 3-1. En rentrant au vestiaire, Robbie Voller prévient Faitson qu'il a été très souvent visé par un laser durant le match. Il pense que c'est un enfant qui essaye de le déstabiliser. Mais Faitson pense à autre chose. Alors que l'international français semblait tranquille depuis 2 semaines, les menaces recommencent. Qui peut s'acharner autant? Chapitre 67. Touché. Inquiet, Faitson revient sur le terrain pour la deuxième période. Il prête un peu plus attention au viseur rouge qu'il a très souvent au front. Il bouge beaucoup sur le terrain, même trop. Il ne pense plus vraiment au ballon, mais à sa vie. Le Marseillais se fait même sermonner par son capitaine. Une autre menace plane, les malus qui s'abattent sur lui. Certains supporters pensent que Faitson n'est qu'une étoile filante. Excellent lors des premiers matchs, il est un peu brouillon depuis quelques rencontres. Un seul point positif, il est efficace, pour preuve ses nombreux buts depuis le début de la saison. les YNWA Reds peuvent-ils se passer de leur goléador alors qu'ils jouent face à un gros morceau et sont menés 3-1? Faitson ne sort pas et s'est concentré sur sa rencontre. À l'heure de jeu, il est victime d'un gros tacle à l'entrée de la surface qui va se convertir en coup franc intéressant. C'est Otov 76 qui va se charger d'exécuter ce coup de pied arrêté. Très bon choix, puisqu'il marque le deuxième but de son équipe. Les Reds n'ont plus qu'un but de retard sur le Bayern Commodore. Un écart de courte durée, puisque l'égalisation est là. Un Anglais inscrit donc son nom parmi la liste des buteurs. Les deux équipes sont à 3 buts. Tout est à refaire pour les Allemands, et il reste 20 minutes. Ça part dans tous les sens, mais Faitson est encore effacé. Il a des moments d'absence et ça ne plaît pas à ses coéquipiers. Il doit se bouger et ne penser qu'au match. La rencontre suit son cours, mais ça s'agite en tribune. Tellement que l'arbitre doit stopper le match pour quelques minutes. Un homme est remuant et poursuivi dans les travées de Wembley. Celui-ci monte sur le terrain et se dirige droit vers Faitson. Il a un objet en main et ne stoppe pas sa course vers le Français. Faitson est tétanisé et ne bouge pas. Il ne sait pas ce qui va se passer. L'homme s'arrête devant l'attaquant des Bleus, lui tend un objet. Ce supporter veut un simple autographe du Français. Faitson lui rend ce service et participe au selfie de ce fan trop remuant. Outre le fait qu'il ne s'agissait pas d'une menace, n'importe qui pouvait s'approcher du Français. Il aurait pu lui arriver quelque chose de grave. Sa sécurité n'est pas assurée dans ce stade. Passé cet épisode, le match reprend. Il reste 10 minutes et nous avons toujours une égalité à 3 partout entre les YNWA Reds et le Bayern Commodore. Le laser pointant Faitson n'est plus là. Il s'agissait bel et bien d'un signal de son fan. Le Français relève la tête, se reconcentre sur le match et parvient à dribbler 4 joueurs pour faire trembler les filets du Bayern Commodore. Les YNWA Reds mènent 4-3 face à un concurrent direct. C'est énorme. Ils peuvent remercier la doublette française pour cette victoire primordiale. Ils sont à l'origine de 70% des buts des Reds pendant la tournée européenne. Dans les autres matchs, l'Ernik Spurs s'est incliné contre le King Club Ural Koli, pendant que le United Kulubu a empoché la première victoire de la saison régulière. Et c'était face à la Finosa Valencia. Le dernier match va intéresser les Reds, puisque 2 rivaux directs s'affrontaient, l'Exur Bianconeri et le KM City. Le suspense est relancé puisque l'Exur a imité le Bayern en s'inclinant face à l'Outsider City. En ce soir de 5 juin, nous avons 4 équipes en tête du classement avec 8 points. La saison régulière est encore longue, mais ça peut se jouer lors des prochaines semaines. Chapitre 68. Le plus dur reste à faire. Une semaine plus tard, nous voici une nouvelle fois sur les terrains verts. Cette fois, c'est le Millennium Stadium qui va accueillir les YNWA Reds. Cardiff a clairement choisi son camp. Les nombreux supporters gallois des Reds sont venus en masse. Ils vont tout faire pour pousser les YNWA Reds contre l'ogre italien. Surtout que les 3 autres rencontres ont déjà eu lieu. Et tout est à l'avantage des 2 équipes sur le terrain. La Finosa Valencia a battu le King Club Ural Koli à Luxembourg, 4-1. L'Ernik Spurs a renversé le train du KAM City en les battant 5-4 alors qu'ils étaient menés 4-1 jusqu'à la 80e minute. Sacré scénario à Kiev. Dans l'autre match, à Solna, United Kulubu a empoché sa 2e victoire de la saison. Et quelle victoire! Ils ont laminé le Bayern Commodore 7-0. C'est la plus grosse défaite des Allemands depuis la création de la franchise. L'équipe qui gagnera ce soir à Cardiff prendra la tête du classement à 1 journée de la fin de la 2e phase. La motivation est donc de mise avec un gros challenge. L'Exur Bianconeri n'est plus le titan de la tournée sud-américaine. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites de rang et ce n'est pas bon pour le business. Heureusement que lors de la 1re phase, il n'avait connu qu'un seul revers. De son côté, le club liverpoolien est invaincu depuis 5 matchs, invaincu en Europe. Ils ont fait tomber les Spurs, City, la Finosa l'United et le Bayern. Sur leur tableau de chasse, il ne leur manque que l'Exure et le King Club pour faire le grand chelem. Cette performance n'a été réalisée que 3 fois depuis la création de la Japan Masters League. Il est très difficile de gagner les 7 matchs sur le même continent. Mais l'apport de joueurs comme Faitson et Totov 76 y est pour beaucoup. À noter que côté bianconnerie, on peut voir plusieurs Français. En effet, le quota européen est exclusivement occupé par eux. Il s'agit de Bella, Gourou, Aldebi, Weebox et Tot 511. Les 5 joueurs sont actuellement sélectionnés en équipe de France, mais n'ont pas pu prendre part au Mondial 2050. On aura presque le droit à un match de championnat français. Mais ici, pas de pitié. Faitson et Totov 76 adressent à peine un mot à leurs compatriotes. L'enjeu est tellement énorme. Le match peut débuter. Nos 7 Français sont sur le terrain. Les 2 Reds sont titularisés à l'attaque, mais côté bianconnerie, Bella est au cage. Sa défense comprend Todd 511 et Weebox, Aldebi est meneur de jeu, et Gourou, seul attaquant, en pointe. On peut s'attendre à un énorme match. Ça part déjà dans tous les sens et la domination est italienne. Il ne faut que 7 minutes pour voir Gourou ouvrir le score. Le match va être très difficile pour Faitson et Totov 76. Une idée traverse l'esprit du seul participant au Mondial 2050, Faitson. Il est entouré de 6 joueurs pleins de talent et français. Son agresseur fait-il partie de ceux-ci? Il est, une nouvelle fois, préoccupé et passe à côté de son match. Secoué par son coéquipier Totov 76, il essaye de reprendre ses esprits. Justement, le piraillon Totov 76 adresse un long centre dans les airs en direction du Marseillais. Alors qu'il s'élève pour prendre le ballon de la tête, il se retrouve opposé à Bella. Le gardien boxe le ballon et effleure l'attaquant adverse. En retombant, le Red se réceptionne mal et chute dans la tête. Il est KO. Tout le monde est inquiet. Ne le voyons plus bouger, on s'attroupe autour de lui. Le staff médical arrive en courant. Craignant les menaces des autres, Faitson s'est mis en danger seul. Est-ce grave? Chapitre 69. Il ne marchera plus jamais seul. Tout le stade est inquiet. Nous jouons la 30e minute de jeu et l'attaquant vedette des YNWA Reds est au sol. Après un duel aérien, il est tombé sur le crâne. Il ne bouge plus. Ils sont tous autour de lui. Les médecins essayent tant bien que mal de le soigner. Mais le Marseillais est sans réaction. Totov 76 lui tient la main. Les 2 amis sont devenus inséparables depuis leur détection en commun pour la Japan Masters League. La France entière a les larmes aux yeux en repensant à ce héros incompris. Le monde entier est sous le choc. Nous ne savons pas si Faitson va pouvoir se relever. On parle d'un traumatisme crânien. On parle de beaucoup de choses. Les Français de l'Exure sont accroupis sur la pelouse de Cardiff. Ils ne savent pas ce qu'il se passe. Personne ne veut reprendre le match. Ils sont tous abasourdis par ce qui s'est passé. Bella est inconsolable. Il pense être fautif. La civière part en dehors du Millennium Stadium. C'est à ce moment que le stade entier, y compris les supporters italiens, entonne le chant « You'll never walk alone ». Les joueurs se mettent à genoux et chantent avec les supporters, telle une prière. L'arbitre consulte la eSports Fédération et demande aux 21 acteurs de rejoindre les vestiaires. La rencontre est interrompue, voire arrêtée définitivement pour aujourd'hui. Tout le monde est choqué. On ne sait pas si on reverra un jour Faitson, mais ce 12 juin 2050 restera un jour noir pour le football. On repense à des drames identiques arrivés sur un terrain de foot et tout le monde a peur de ce qu'il peut arriver aux joueurs des Reds. Une chose est sûre, Faitson ne marchera plus jamais seul. La France pleure son footballeur, le sportif pourrait manquer au football. L'histoire se termine sur ce stade qui est devenu silencieux et sur les larmes de son ami Totov 76. Faitson restera la star des années 2050 avec ses hauts et ses bas. La France regrettera de ne pas avoir cru en sa sincérité et à son amour pour le maillot bleu. Personne ne sait qu'il lui voulait du mal, mais, contrarié par tout cela, il s'est brûlé les ailes, seul. Chapitre 70, une nouvelle dimension. Nous sommes le 17 août 2053 au Stade de France pour suivre la rencontre entre le Paris Eiffel Club et l'Olympique de Saint-Martin de Bocherville. Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, les deux équipes de première division s'affrontent afin d'être dans le carré final. En championnat, la Ligue Iliad, le PEC, est leader, alors que l'OSMB est quatrième. 3 ans après la finale des Bleus sur Mars, le championnat de France a accueilli bon nombre d'investisseurs. Iliad, tout d'abord, qui a mis la main sur l'organisation du championnat. Fondé en 1999 par Xavier N, le gérant de la télécommunication dirige l'intégralité des 10 franchises françaises. Comme la Japan Masters League, la Ligue Iliad a ouvert sa division au plus offrant. Mais contrairement aux voisins asiatiques, la dénomination des investisseurs ne doit pas apparaître dans le nom de la franchise. Paris a été racheté par l'entreprise de luxe LVNH et joue dans le Vuitton Stadium. Marseille appartient à Pernod Ricard, spécialiste en produits alcoolisés, alors que Toulouse a été acquis par Solvay, groupe de chimie. Saint-Martin de Bocherville, en partenariat avec Rouen, par le biais de son président d'honneur et joueur, Totov 76, a réussi à faire signer la multinationale des services collectifs Voelia Environnement. Le football club français ressemble à une guerre des riches, en prenant exemple sur les homologues asiatiques. Puisque nous énumérons les franchises françaises, continuons. Danine a mis la main sur Lille. Senafi a créé sa franchise à Bordeaux. Renault, avec un D, est à Nantes. Sofran à Bastia et AXA, avec 2 X, à Strasbourg. Petite folie, le groupe de produits cosmétiques Le Réal a créé sa franchise à Bouillante, ville de Guadeloupe. Afin de ne pas faire des allers-retours, le stade guadeloupéen est implanté en Picardie à Amiens. Pour ne pas mettre le nom de l'entreprise dans l'intitulé des franchises, chacun a un surnom. Paris est l'Eiffel, Marseille l'Absolute, Toulouse la Flèche, Saint-Martin l'Olympique, Lille l'Étoile, Bordeaux l'Elfe, Nantes le Turbo, Bastia l'Astro, Strasbourg les Blues et Bouillante reste la Bouillante. Contrairement aux tournées mondiales asiatiques, la Ligue Iliad se dispute exclusivement en France. Il n'y a que 20 matchs de championnat, une Coupe Iliad entre les 10 franchises françaises et 2 invités d'Asie. Pour le moment, ce ne sont que des équipes réserves. Et la Coupe de France. Celle-ci n'a pas bougé d'un poil malgré ses 136 ans. C'est la seule fois que nous pouvons voir les richissimes franchises affronter les clubs amateurs. Mais ce soir, pas de David contre Goliath, puisque le Paris Eiffel Club va essayer de se défaire de l'Olympique de Saint-Martin de Bocherville. En affaire, le LVNH va tenter d'aligner plus d'argent que Voelia. Fondée pour former les futurs talents asiatiques, la Ligue Iliad a pris son rôle à cœur, puisque nous avons des deux côtés plus de la moitié de joueurs prêtés par des franchises indiennes, chinoises ou japonaises. Malgré tout, nous avons des exceptions sur le terrain. Wolf 75 et Coca sont restés au sein de leur équipe parisienne. Ils sont les seuls à avoir survécu à la professionnalisation du PEC. Et côté OSMB, Totov 76 est missionné par l'Axerinos Betikos, franchise indienne, afin de créer une franchise en France. L'ancien joueur des YNWA a quitté la franchise liverpoolienne pour rejoindre l'Inde quelques semaines après l'épisode Fight Sun. Il n'est donc pas étonnant de voir Totov 76 avec le brassard de capitaine ce soir.